Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie du hors-série spécial 8 mars, vous allez entendre des briefs d'interviews prises avant la manif, avec la militante kurde Badia notamment, puis avec une nouvelle membre de FACAP, As, membre aussi du collectif IG en médecine. Vous entendrez plusieurs interviews d'autres membres de FACAP, des textes écrits par LE ou des discours. Ce podcast aborde plusieurs sujets en rapport avec les violences sexistes sexuelles qui touchent l'ensemble des minorités de genre. La deuxième partie du podcast revient de façon plus spécifique sur le ressenti de FACAP, notamment par rapport au manque d'inclusivité dans la co-orga de l'AG féministe de cet événement du 8 mars, qui est assez révélateur de la place des luttes queer en France par rapport à d'autres féminismes plus institutionnels. Ménagez vos oreilles quand même par rapport à certains propos qui peuvent heurter, notamment en rapport avec les violences sexuelles. Bonne écoute. Interview de Badia, militante kurde. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez présenter l'endroit voilà. Ici, nous nous retrouvons au Centre culturel kurde, qui se trouve au 29 rue Maréchal Joffre, à ce nom. C'est le Centre culturel kurde bordelais, qui regroupe plus de 300 familles kurdes sur l'agglomération bordelaise. Et puis, aujourd'hui et même samedi, pour les préparatifs de 8 mars, le collectif de droits des femmes, ils étaient là dans les locaux et on a préparé ensemble samedi tout ce qui est les pancartes, les slogans. Donc c'est un grand plaisir, un grand honneur d'accueillir toutes les femmes et tous les sympathisants et, concernant cet événement et d'autres événements. Voilà, et c'est un jour très symbolique, la journée du 8 mars. Car pour les Kurdes, c'est très important. La femme kurde, elle a prouvé au fil des siècles comme quoi elle pouvait être au rang des guerres et d'autres, sociales et économiques, de prouver sa place en tant qu'être humain. Et la révolution de Rojava, l'égalité pour la société, et les droits des femmes, ils sont maintenus. C'est une grande pas, on espère, pour l'égalité et de se débarrasser du patriarcat, plus que jamais. Et voilà. Et encore bienvenue. Là, on entend de la musique du coup derrière. Oui. C'est de la musique kurde, c'est ça? C'est la musique kurde. Et il faut souligner quelque chose. Le 8 mars, il est fêté dans le Moyen-Orient. On dit la fête des femmes. En fait, c'est pour corriger ça. En fait, ce n'est pas la fête des femmes. C'est la journée mondiale des droits des femmes. Lutte ensemble. Mais on voulait mixer. En même temps, ça va nous donner une motivation, du courage de partir avec la musique. Parce que la musique, c'est une vraie thérapie pour les Kurdes, même pendant la guerre. Même quand on perd son ami pendant la guerre, c'est ce qui nous tient, c'est la musique. Voilà, et de mixer un peu la façon qu'on célèbre le 8 mars et la façon ici en France, de mixer les deux. Voilà, voilà. Et est-ce que vous, en tant que féministe kurde, vous avez des revendications particulières ? Bah, la revendication, c'est la solidarité internationale et ensemble, la lutte, il faut qu'elle soit contenue. Nous rappelons toutes les femmes et, du monde et de nous soutenir. Et on est à vos côtés pour mener le combat le plus loin possible. En fait, sous le régime de Erdogan, l'AKP tout particulièrement, son parti politique, les femmes subissent en premier degré tout ce qui est de la violence, de l'ordre de viol et de prisonnement. Tout ça, c'est vraiment l'assassinat politique qui sont faites aux femmes kurdes en premier, comme je disais, en premier degré. Nous avons, en tant que mouvement femmes kurdes en Europe, décidé de mener une campagne de 100 000 signatures pour 100 raisons. Pourquoi ? Juridiquement parlant, c'est d'ouvrir un procès aux Nations Unies et avec les preuves qu'on a, avec les témoignages qu'on a, des dossiers des assassinats politiques pour amener les criminels au tribunal et de pouvoir ouvrir le procès. Donc c'est une base de signatures, 100 000 signatures, pour ouvrir le procès. Que la violence, elle est faite aux femmes plus que l'homme, ce que la femme, elle représente l'honneur dans les sociétés de patriarcat et en Moyen-Orient, malheureusement. Et l'islamisme radical qui gagne du terrain jusqu'à ici, le pouvoir de Erdogan de radicaliser la région. Donc il veut supprimer la place de femme et opprimer la liberté de la femme par des viols, par de ventes, par exemple les régions qui sont sous le contrôle, je ne sais pas, comme ça je prends les choses, mais on peut parler pendant des heures. Moi je suis kurde syrienne, nous avons été attaquée par les forces turques, le deuxième force armée de l'OTAN, qui a occupé la région d'Afrin, qui a occupé la région de Ras El Ain, Serikani en kurde. Dans ces régions d'occupation sous le régime turc, les femmes souffrent encore plus parce qu'elles doivent porter des signes religieux de l'islam, elles n'ont pas le droit d'être à l'école, donc elles souffrent plus. Et c'est pour ça, le 8 mars, c'est une occasion, ces femmes, elles n'ont pas baissé les bras. Elles luttent dans les prisons comme dans la rue. Et aujourd'hui, partout, et surtout au Kurdistan, les femmes, elles sont dans la rue pour revendiquer leur place et appeler à haute voix qu'on existe et qu'on ne va pas baisser les bras. Vous souhaitez encore rajouter quelque chose? Un grand merci. Et en kurde, on dit « Jin Jian Azadi », la femme, la vie, la liberté. Merci. Jin Jian Azadi. Jin, c'est la femme. Jian, c'est la vie. Azadi, c'est la liberté. Ok. Merci à vous. De rien. Au plaisir. Interview d'Al, étudiante en médecine. Alors toi, tu es en médecine, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe en médecine, d'un point de vue féminisme, tout ça? Eh bien, ça ne se passe pas. Au niveau de l'enseignement, alors déjà, il y a un truc qui pose énormément de problèmes, c'est qu'on a un référentiel commun sur lequel on a tous nos cours. Et sur lequel on va faire un concours, du coup. Et dans ce référentiel, il y a vraiment des propos qui sont incroyables, quoi. Genre des stigmatisations, genre... moi, je vois le terme hystérique dans mes référentiels. Je vois de la transphobie, je vois tout un tas de choses. Et donc, la dissociation cognitive, c'est... Typiquement, au moment où on s'entraîne, où on fait des QCM, devoir cocher quelque chose avec lequel on n'est profondément pas d'accord, qu'on sait faux, et, sauf qu'en fait, il faut avoir le point au QCM, donc ça va être coché, quoi. Genre, c'est des trucs comme ça. C'est l'impossibilité de dire bah non, je suis pas d'accord. Enfin, typiquement, faire grève pour le 8 mars, je peux poser un avis de grève et je peux dire. Que je ne viendrai pas et genre c'est dans mes droits, donc normalement je peux faire ça, sauf qu'en fait si je pose mon avis de grève et que je dis à mon chef que je fais grève, le truc c'est qu'il peut très bien me dire oui t'inquiète, mais m'invalider mon stage parce que je suis arrivée en retard le lendemain ou un autre truc. Donc en fait c'est des pressions constantes et en fait on sait qu'on aura aucun soutien de la fac dans le militantisme, aucun... Ouais, en fait on se sent un peu seul là-dedans parce que déjà trouver des gens dans la fac de médecine qui seront d'accord pour militer, c'est extrêmement difficile parce que c'est extrêmement élitiste, c'est extrêmement blanc, c'est extrêmement cis, c'est extrêmement tout ce qui pose problème et donc du coup genre... Voilà. T'as fait comment du coup pour venir ici aujourd'hui? Parce que t'as fait des formations, non? Oui. Aujourd'hui, comment j'ai fait pour venir ici? J'ai prétexté un proche à qui que je dois accompagner à un rendez-vous médical. Voilà. Et je me suis clairement volatilisée entre deux cours, quoi. Et pareil, il y a aussi le truc de pas vouloir laisser tomber son co-externe. Pas vouloir qu'ils se prennent la charge de... Enfin voilà, genre... Sauf que c'était un mec 6-7. Sauf que c'était un mec 6, ouais, ben ouais. Et mais... qu'il aurait pu faire sa présentation. Bah ouais, mais ça encore c'est compliqué parce que genre... voilà, il faut un patient, un médecin dans les sémiologies, mais du coup, c'est difficile de contextualiser. J'ai du mal à tout contextualiser pour que ce soit compréhensible. Parce que voilà, c'est un monde complètement à part. Donc genre, enfin voilà, les ED de sémiologie par exemple, c'est vraiment, enfin c'est extrêmement politique sans que ça le soit en fait. C'est que par exemple il y a la personne qui va être le patient et qui va du coup faire le patient devant tous les autres pour que docteur nous montre comment on fait les examens, quoi. Et à peu près chaque situation, c'est toujours un mec cis qui enlève son t-shirt, qui se met devant et qui le fait. Et dans une logique hyper, hyper saverisme, genre, ah, mais je voudrais pas mettre une fille mal à l'aise, ou que voilà, tu vois. Bon. Pareil, dans c'est... le sens où il ne pourrait pas ausculter une personne affable, enfin signée femme, sans avoir des idées derrière la tête ou genre oui, ou mettre mal à l'aise ou qui aurait ouais, forcément voilà, ou ouais voilà, c'est ça, genre c'est que va se sentir mal à l'aise de montrer ses seins ou ce genre de truc, alors qu'en fait si on se sent mal à l'aise de se mettre en soutif dans un ED, c'est à cause de vous, quoi, genre c'est, enfin je veux dire, moi, montrer mes seins, en soi, je m'en fous. Enfin, genre, c'est juste le regard qu'on porte sur moi. Voilà, c'est ça. Et que, enfin... T'as subi aussi, on peut dire que c'est une agression du coup de la part des services de... Ouais. Si tu veux en parler, après, je peux vous Alors, tu sais quoi, je vais les raconter de manière le plus précise possible, parce que ça maintenant que j'ai la mémoire assez vive, ça me fera un... Ce qui s'est passé, c'est que on avait déjà fait une campagne de collage à la fac, pour dénoncer notamment les violences sexuelles en soirée médecine. Et ces collages avaient été décollés le lendemain matin à 8h31. Donc en fait, l'idée c'était clairement que le moins de personnes possible puissent les voir. Et donc on avait refait une campagne de collage, enfin une action de collage dans la fac. Et le truc c'est que tout avait été décollé pendant la nuit. Et avec mon ami, ça nous avait déclenché un énorme sentiment de colère. Genre, on y était allé à plusieurs, du coup, en groupe. Et voilà, de voir que tout ce qu'on avait fait, en plus, on avait vraiment recouvert la fac. Enfin, c'était trop bien, on avait mis plein de trucs et tout. Et ça nous avait vraiment mis en colère de voir... que notre parole avait été complètement réprimée comme ça. Enfin, voilà, donc en fait, on a décidé d'y retourner le lendemain, sauf que cette fois, on était deux. Et alors qu'on était en train de coller sur la fac, boycotte ton pote le violeur et on ne naît pas médecin, mais on en meurt. En référence à, du coup, au suicide dans les filières de soins, etc., et notamment dans les filières médicales. Et en fait, on était en train de coller, du coup, sur la bibliothèque de Carrère. Et alors qu'on collait, il y a, du coup, deux personnes du PCSI, donc de la sécurité de la fac, qui sont arrivées et qui ont eu des comportements extrêmement violents. Enfin, quand ils sont arrivés, nous, on s'est dit, bon, ben, on y va, quoi. Genre, de toute façon, ils n'ont pas le droit de nous retenir, donc on s'en va. Et là, donc, les deux personnes m'ont plaqué contre un mur, poussé violemment contre ce même mur dans un angle, etc. Et demander à mon ami de partir et de me laisser en gros seule avec eux. Elle a refusé de partir. Et donc, au bout de 10 minutes où il lui demandait de partir, de s'en aller, et en voyant qu'elle refusait, ils ont décidé d'appeler la BAC. Entre-temps, genre, on a réussi à sortir un peu de l'angle dans lequel j'étais coincée, enfin, voilà, et ils m'ont fait une prise au sol pour me foutre à terre, quoi. Enfin, une prise de judo, je sais pas trop quoi. Et, enfin, voilà, ils étaient sur moi, et pendant qu'un autre, enfin, voilà, un mec du PCSI avait pris nos affaires pour nous empêcher de nous tracer, quoi. Et mon téléphone est tombé par terre, où j'ai réussi à le filer pendant ce moment-là à mon ami, qui a commencé donc à filmer la scène avec un peu de retard. Et puis là, d'un coup, ils se sont relevés immédiatement. Voilà. Et il y a eu des... Enfin, ouais, voilà, des violences. Typiquement, genre, voilà, alors qu'elle était en train de filmer, ils lui ont... Enfin, il y en a un qui a pris le téléphone dans ses mains et qui a essayé de le casser. Ensuite, du coup, mon ami s'est rué sur le téléphone pour le récupérer le plus rapidement possible. Le mec s'est rué sur mon ami, je me suis rué sur le mec, et l'autre mec s'est rué sur moi. Donc il y a eu une espèce de mêlée un peu chelou, enfin voilà. Ils ont essayé de prendre mon ami par les cheveux et enfin, je sais pas si elle accepterait que je dise ça, donc enfin, je lui demanderais... ils l'ont tiré par les cheveux vers un banc en béton, en fait, avec une optique assez claire. Après ça, la BAC est arrivée, ils ont demandé à la BAC de faire supprimer nos vidéos. La BAC a refusé parce que je crois qu'ils couvrent que leur bavure à eux et pas la bavure du PCSI, donc voilà. Et la BAC a fouillé au corps mon ami aussi, d'ailleurs. Sachant que c'était que des mecs cis. Enfin voilà, en tout cas c'était un acte de répression assez violent au final et qui nous a bien découragés d'aller coller ensuite. Mais on va le refaire quand même. Qui montre ouais, qu'ils ont agi en totale illégalité, impunité, illégalité, clairement. Et puis d'ailleurs, il y en a un qui flippait pas mal parce que mon amie a dit qu'elle avait déjà mis la vidéo sur tous les réseaux, etc. Et là, on le voyait s'agiter dans tous les sens, commencer à monter en pression. Et d'ailleurs... plus tard, par la suite, on a appris que le PCSI de Carrère avait déjà été mis en cause pour des faits notamment de séquestration, agression sexuelle. Également, un truc que j'ai oublié de signaler, c'est que la BAC a pris nos identités et les a relayées, enfin les a données à nos agresseurs en donnant nos adresses, nos noms. Nos numéros de téléphone. Mais du coup, pour terminer peut-être sur une note justement plus de riposte et tout, vous avez quand même un collectif en médecine. Est-ce que tu veux dire un mot, le présenter Ouais, on a un collectif qui s'appelle IG, qui est un collectif qui veut inclure les médecines, mais pas que, hein, également genre les infirmiers, infirmières. Enfin, dentaire, maïeutique, tout ça. Et le but, ce serait du coup d'essayer de faire d'offrir un contre-discours et potentiellement un contre-pouvoir, on espère. Là, récemment, on a eu une réunion, enfin, ça aussi, on va en parler après. Mais voilà, d'essayer de médiatiser également. La problématique d'IG, c'est qu'on veut être des futurs soignants et qu'actuellement, nos études, notre formation ne nous permet pas d'être safe et donc d'essayer de faire rendre compte de ça, notamment genre sur nos collages, il y a marqué ta transphobie tu, ta grossophobie tu, voilà, des problématiques qui en tant que soignant sont importantes. Également genre en finir avec la culture du viol. Quand on est soignant, enfin on peut pas soigner une personne victime de trauma et véhiculer des idées pareilles, enfin voilà. Donc l'idée, ce serait d'essayer de médiatiser un petit peu cette culture omniprésente qu'on vit et d'essayer de changer ça au possible en incluant le maximum de personnes dans la lutte, dans le soin. Voilà, et réussir à offrir un contre-discours de ce qu'on nous présente comme étant l'effet. Quoi, genre, vous faites quoi du coup comme action avec le collectif ? On fait des collages. On essaie de relayer des témoignages également. On essaie de coller des stickers dans les polis pour que, qu'elles se rendent compte qu'il y a des soucis au sein même de leur référentiel, entre guillemets. On essaie de faire des cafés, des apéros-débats. On essaie d'organiser des trucs et surtout, on essaie d'aider les personnes qui sont victimes de ces violences-là à faire entendre leur voix, à militer. Les aider à militer, c'est pas le bon terme, parce que genre juste les soutenir en fait, l'idée, c'est de créer un espèce de courant d'adelphité globalement, au sein des études de santé, quoi, genre de dire qu'il y a un espace où il y a de l'acceptation, en fait. Enfin, par exemple, typiquement, voilà, il y avait une réunion. Après, à la suite de ces collages, apparemment, il y a eu une prise de conscience de la part de la fac. Et en fait, dans cette réunion, c'était de la culture du viol, en résumé. Enfin, on nous a expliqué que les représentants de la fac n'arrivaient pas à dormir à cause de l'état mental d'un agresseur. On nous a expliqué qu'il ne fallait pas leur tailler un costume trop grand. Les agressions en question, c'était pas des viols dans une ruelle sombre. Enfin, des propos que je cite, qui sont extrêmement violents. Et donc, ce qu'on a essayé de faire également, ça a été de relayer le contenu de cette réunion au reste de la promotion, quoi. Et de leur dire que, voilà, quoi, voilà ce qui est dit à ce propos par la fac, voilà comment la fac gère les choses. Enfin, la fac a proposé un soutien psychologique à l'agresseur sans soutien aux victimes, enfin, aux personnes victimes. Donc voilà, on va essayer de médiatiser un petit peu la réaction de la fac, médiatiser la culture du viol dans le milieu du soin, le manque d'inclusivité, la transphobie omniprésente, la grossophobie, les discriminations, voilà. Extrait de l'interview avec Claudie. Il y a eu toute une vague notamment de MeToo à Sciences Po Bordeaux récemment, et en tant qu'étudiante à Sciences Po Bordeaux, est-ce que tu veux expliquer un peu ce qui s'est passé? Ouais, carrément. Bah déjà, merci beaucoup d'avoir eu l'idée de m'interviewer et de m'avoir invitée. Ouais, donc du coup, moi, ça fait 3 ans que j'étudie à Sciences Po Bordeaux. Et ce qui s'est passé, c'est que... alors, j'ai plus les dates en tête, mais ça devait être début février, sur un groupe Facebook interne aux étudiants et étudiantes de Sciences Po Bordeaux, il y a eu un premier témoignage en lien avec les violences sexistes et sexuelles à Sciences Po, et surtout en lien avec la façon dont le gérait l'administration, dont c'était pris en compte ou pas par les profs dans le cursus. Et en fait, ce premier témoignage a été suivi de 150 autres à peu près, tous sur le thème des violences sexistes et sexuelles. Et ça s'est vraiment pas limité à ce qui peut se passer en soirée étudiante. C'était vraiment énormément de personnes qui prenaient la parole pour témoigner de toutes les fois dans leur vie où leur consentement n'avait pas été respecté, et sur des sujets extrêmement variés, parfois des choses qui sont considérées comme anodines et qui sont presque banalisées, mais qui sont des véritables souffrances. Également des témoignages de viols, d'inceste. Et donc c'était vraiment quelque chose de très fort et en même temps de très, très particulier, parce que c'est arrivé dans une période où on était en enseignement à distance. Et donc à la fois c'était hyper présent sur Facebook et donc dans notre vie quotidienne, parce que c'est quelque chose qu'on utilise du coup pour des projets de groupe, pour, voilà, pas trop une plateforme qu'on peut éviter. Et en même temps, chacun l'a vachement vécu dans son coin et de manière assez isolée à recevoir toute cette violence. Enfin ouais, moi je l'ai vraiment vécu comme ça, comme quelque chose d'hyper libérateur, qui m'a d'ailleurs moi-même permis de témoigner dessus. Et en même temps, quelque chose dont parfois j'ai eu besoin de me protéger en me coupant un peu des réseaux sociaux, parce que c'était extrêmement fort. Et ouais, et c'était quelque chose qui a remué tous les étudiants et les étudiantes, je pense. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été en enseignement à distance a favorisé, facilité cette libération de la parole? Je pense que oui, parce que Sciences Po, c'est une école. Donc c'est des promos pas très grandes qui se suivent pendant 5 ans avec des groupes de classes qui ont beaucoup d'enseignements ensemble, donc énormément d'associations, donc en fait tout le monde se connaît. On ne peut pas être anonyme à Sciences Po. Et donc le fait que d'être en enseignement à distance, forcément on croisait beaucoup moins les gens. Et je pense que les personnes qui témoignaient l'ont fait parce qu'elles se sont dit que pour une fois, après un témoignage à visage découvert, elles n'auraient pas à croiser dans les couloirs, en fait, toutes les personnes. Et elles pouvaient témoigner là-dessus. Mais oui, je pense que si on avait eu cours en présentiel, je pense que beaucoup moins de gens auraient témoigné, c'est sûr. Et du coup, maintenant, vous avez repris les cours en présentiel ? Très peu. Ok, mais est-ce que ça change quelque chose de croiser un peu davantage les personnes ? Est-ce que ça, on parle dans les couloirs, en informel ? Moi, j'y suis vraiment allée deux fois. Okay. Donc, je pense que les gens en ont beaucoup parlé autour de sur le moment, mais que je n'ai pas l'impression qu'on en parle encore. Après, peut-être que je me trompe totalement. Et tous ces témoignages, est-ce que toi, ils te surprenaient ou est-ce que ça faisait écho à des choses que tu avais ressenties, observées à Sciences Po, que ce soit les violences sexistes qui peuvent s'opérer dans un contexte de cours ou extérieur au cours, mais dans Sciences Po, ou alors sinon vraiment dans les soirées étudiantes ou des choses comme ça? Ouais. Bah, en fait, d'un côté, ça me surprenait pas parce que les violences, je sais qu'elles existent et c'est bien pour ça que je suis politisée et c'est quelque chose que mes engagements politiques me rappellent au quotidien. C'est des sujets sur lesquels je me suis informée, sur lesquels j'ai beaucoup lu, donc finalement j'étais pas surpris de voir ce qui se passait, mais en même temps ça fait toujours un choc de se rendre compte de « ah bah oui, telle personne que je connais par tel biais a subi tel truc, tel ami proche ». À la fois, je les connais, les phénomènes patriarcaux, genre. Et en même temps, ça reste toujours aussi important qu'il y ait ces témoignages. Déjà parce qu'il y a des gens qui tombaient vraiment des nues, notamment nos chers amis les hommes, je pense. Et ouais, et dans le contexte de Sciences Po, bah pareil, ça m'a pas spécialement surpris parce que oui, c'est un milieu social et donc dans tous les milieux sociaux, ces violences existent. Mais ce que je pense qui était intéressant, c'est que, en fait, Sciences Po, c'est une école dans laquelle il y a peut-être 70% d'étudiantes et dans laquelle on pourrait se dire que finalement, enfin avec une lecture très extérieure, qu'il y a peut-être moins de sexisme parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. J'ai pas de chiffres sur les enseignants et les enseignantes. Je dirais que c'est à peu près paritaire. Mais finalement, je pense que malgré le fait qu'il y ait une majorité de femmes, le sexisme quotidien, il est présent. Il est présent dans l'attitude des professeurs, il est présent dans les ambiances de soirée, dans les événements organisés, notamment par le bureau des élèves, les événements d'intégration, dans les compétitions sportives. Par exemple, il y a un truc super intéressant, qui est le journal sportif. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais il y a un journal sportif mensuel qui suit les différentes équipes de sport de Sciences Po. Et il y a quand même énormément de blagues basées pour les femmes sur leur physique, pour les mecs sur, par exemple, leur prétendue vigueur sexuelle. Qualifier un mec de bel étalon ou de, je sais pas, de... Donc, toujours des espèces de formules détournées qui seront jamais directement sexistes. Il n'y aura pas d'insultes, de slut-shaming ou quoi, envers une sportive, par exemple. Mais ouais, toujours un truc assez pernicieux et toujours hyper présent sous plein de formes. Ça peut aussi se voir, je pense, sur la façon dans les associations, dans les postes entre guillemets de responsabilité au sein des associations sont distribués, ou ce genre de choses. Donc non, pas spécialement de surprise ici. Et ça fait réagir il y a des collectifs, des associations à Sciences Po Bordeaux qui se disent féministes et qui essayent de faire bouger les choses là-dessus, ou pas? Alors ouais, il y a une asso féministe qui s'appelle S'exprimons-nous. En fait, ce qui est compliqué avec S'exprimons-nous, c'est qu'il y a toujours eu un positionnement compliqué parce que, à l'origine, quand l'association s'est créée, l'administration refusait que l'association s'affiche comme féministe et se politise comme féministe. C'était en quelle année, ça? C'était en 2015. Waouh. Ouais, on est là-dessus. Et donc, ils naviguent toujours entre ces positions de financer par l'établissement, mais qui essayent d'avancer. Et là, sur la vague de témoignages, c'est une association qui a eu une réaction vraiment au top, qui a tout d'abord accueilli les paroles de victimes, permis aux personnes qui le souhaitaient de témoigner anonymement, qui a mis en place des groupes de parole pour les personnes qui le souhaitaient, et qui a ensuite entamer un dialogue avec l'établissement, avec des revendications très précises de formation des enseignants et de toutes les personnes qui travaillent dans l'établissement sur ces sujets-là. Il y a une cellule de veille à Sciences Po sur les violences sexistes et sexuelles, mais elle était dysfonctionnelle. Donc, qui a été mise en place par l'établissement ? Ouais, qui a été mise en place il y a, je ne saurais pas dire, quelques années. Mais ça ne marchait pas. Et donc, s'exprimons-nous à demander à ce que ce soit revu, et ouais, à demander qu'il y ait beaucoup plus de formation, notamment sur les départs à l'étranger aussi, puisqu'il y a eu une année à l'étranger obligatoire. Moi-même, j'étais à Sciences Po Toulouse. Et enfin, le sexisme et les agressions sexuelles, en fait, je crois que j'en ai toujours été témoin, mais qu'à ce moment-là, c'était... Enfin, en fait, MeToo est intervenu quand j'étais en quatrième année, donc les premières années. En fait, il y avait vraiment une grosse dichotomie entre ce qu'on pouvait déconstruire sur le genre dans les cours et le fait qu'on banalisait totalement. Enfin, oui, vraiment, les agressions étaient sous mes yeux. Le sexisme, enfin, moi-même, je le vivais et je le banalisais et je le voyais partout, mais personne n'en parlait, il y avait très peu de libération de la parole là-dessus, et ça s'est fait au moment où j'ai quitté un peu l'institution et commencé à avoir vraiment des collectifs féministes qui se formaient, qui dénonçaient ça, notamment par rapport à l'association de rugby des Gorées qui a été dissoute. Et, mais après, c'était tellement corpo en fait. Tout le monde, comme tu disais, tout le monde se connaissait, il y avait cette idée de famille, tout le monde est pote et tout le monde peut se foutre à poil, mais en fait... Ouais. Ben, et du coup, une espèce d'impunité finalement, et de « Ah, mais si tout le monde se connaît, tout est permis, et on est étudiant, on est jeune, on est libéré, et du coup, oui, on va parler du corps des autres, ou on va s'exhiber, c'est une ambiance corporatiste qui le permet, du coup... Et c'est ça. Et en même temps, ouais, ce qui est super insidieux, moi, je trouve, c'est que c'est un endroit où personne ne sera ouvertement sexiste ou homophobe. Mais pour tout ce qui est de la violence ordinaire, ça reste hyper présent et au cœur de certaines des interactions sociales. C'est omniprésent. Bah, je te racontais un témoignage qu'il y avait eu sur le groupe Facebook du week-end d'intégration. Une personne qui, dans le cadre de cette vague MeToo, racontait comment elle avait vécu son week-end d'intégration et racontait qu'elle arrivait du haut de ses 18 ans, de son petit lycée, de son milieu social populaire, d'un milieu rural, et qu'elle se retrouvait projetée dans une grande ville, dans un milieu ultra-bourgeois, avec des codes qu'elle ne maîtrisait pas, et une pression à être cool, puisque tout le monde se connaît. Il faut être cool. Il y a des trucs de popularité qui ressemblent un peu à la hiérarchie sociale du collège-lycée, clairement. Et donc, elle, voilà, voulait s'y intégrer. Et donc, n'avait pas de regard spécialement critique par rapport à tout ce qui se passait, mais qui racontait son way où les filles étaient incitées à se mettre torse nu pour gagner des jeux. Où finalement les questions d'alcool et de consentement n'étaient pas du tout soulevées, voire même, bon, bah, si la meuf était alcoolisée et qu'elle acceptait d'être chopée, bah, très bien. Et avec ce truc aussi où c'est des étudiants plus vieux qui viennent au Way avec dans l'idée de choper les nouvelles, avec clairement des. Bah, d'exhibition sexuelle imposée et plein de trucs qui sont banalisés, qui sont pas des questions parce que c'est fait par des personnes engagées dans des associations, des personnes un peu clés de la vie étudiante, qui organisent les soirées, qui font du bruit, donc c'est jamais remis en question en fait, tout ça caché dans une grosse dose de ah ici on est un milieu ouvert De ça comme processus d'intégration, enfin vraiment le lien au sexe est, est vraiment omniprésent et à la capacité à se sexualiser ou à choper, etc. C'est vraiment au cœur du. Mais c'est de l'institution de Sciences Po et tout, mais c'est même. C'est ça, de valoriser. Moi, il y a vraiment ce truc de valorisation des mecs qui échappent, quoi. C'est ça. Et qui intrinsèquement est problématique. Et les personnes. Oui, moi, tout au long de mes études, il y avait ça et les personnes. Signé femmes qui étaient plus enfin, qu'il y avait plusieurs partenaires, etc., était vraiment qualifié de salope, mais enfin, c'était dit avec, mais c'est bon, c'est pour rire, et c'est une étiquette comme ça, mais genre, comme si c'était en fait un fait, mais c'était pas grave, parce qu'elle restait quand même populaire, entre guillemets, mais par contre, c'était une salope, et en fait, ça restait tellement que... Enfin, c'était vraiment entre les Sciences Po même, parce que, bah, je sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, après, du coup, avec le Covid, les crites ont été suspendues. Mais pour les auditoristes, du coup, le critérium inter-UP, donc c'est une rencontre annuelle sportive et festive qui se fait dans une ville de tous les Sciences Po chaque année et qui est organisée donc par un Sciences Po et où tous les Sciences Po se retrouvent. Donc c'est ça. Il y a toutes les équipes de sport et ça rassemble plusieurs milliers de personnes. Donc c'est comme des très gros événements. Et vraiment... c'est des beuveries monumentales. Voilà. Et en fait, parmi les institutions, enfin, les codes, etc., il y avait le petit chelem et le grand chelem. Je ne sais pas si ça existe encore. Oui. Et voilà. Et donc, le petit chelem qui consistait à choper une personne de chaque IEP et le grand chelem à baiser avec une personne de chaque IEP. Et ça, c'était... Voilà, on le retrouvait à l'intérieur de l'IEP, mais on le retrouvait entre les IEP. Il y avait cette espèce de concours. Et voilà, et le... Et mais même ça se retrouve ailleurs. Enfin, moi, je viens de me souvenir de cette une espèce de conversation irréelle que j'avais eue avec une personne avec laquelle j'étais en cours, que je connaissais pas plus que ça, quoi. Vraiment, on était en cours ensemble, point. Et donc, moi, j'ai fait une année à Sciences Po, et après, j'ai décidé de prendre une année de césure et d'aller un peu étudier à l'étranger. Et donc, cette personne l'a appris et est venue me voir en me disant « Ah, trop drôle, tu vas partir à l'étranger. Ah, bah écoute... tu me diras combien tu marques de points. » Ah oui, je l'ai dit. Et donc, voilà. Il fallait que cette personne s'attendait pour quand je rentre un an plus tard. Elle m'attendait avec un petit carnet pour savoir avec combien de personnes et de quelle nationalité j'avais chopé ou j'avais coché, sachant que les nationalités ne valent pas toutes le même nombre de points. Donc, en plus, c'est très raciste. Mais du coup, il n'y a pas d'autres... Enfin, là, ouais, en ce moment, il n'y a pas de soirée étudiante, donc on ne peut pas voir si ça va avoir une évolution, peut-être, cette vague de libération de la parole par rapport à ces codes-là, une remise en cause. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y aura au moins une forme de... Je pense pas que ça soit la bonne solution, hein, mais notamment du bureau des élèves, une espèce de prise de conscience qu'ils ne peuvent plus trop faire n'importe quoi et qu'ils sont un peu surveillés. Avant, les féministes, c'était un peu un truc dont on rigolait, de genre, haha, l'assaut féministe où il n'y a personne. Ah là là, elle s'épile pas. Voilà. Et que maintenant, je pense qu'il y a eu une prise de conscience que, en fait, non, il y a des vraies revendications derrière. Et ce que je te racontais là, c'est qu'il y a eu. Moi, c'est aussi un truc qui m'a fait réfléchir, c'est qu'il y a eu sur le groupe Facebook des témoignages, enfin souvent des mecs qui ont pris la parole pour dire que cette vague de témoignages les faisait réfléchir, qu'ils comprenaient en quoi la socialisation des mecs les poussait à ne pas prendre en compte le consentement de leur partenaire, qu'ils comprenaient en quoi leur attitude pouvait être problématique, leur rapport à la drague pouvait être problématique, leur rapport à la shop comme performance. Et moi, c'était une prise de parole qui m'a un peu dérangée au début. La parole des victimes est tellement difficile à libérer et c'est tellement difficile de se sentir légitime en tant que victime, de sortir de ce truc de honte d'avoir été victime, de poser les mots sur ce qui s'est passé, de dire « bah ouais, en fait, il s'est passé ça dans tel cadre, c'était pas normal, la personne a agi comme ça avec laquelle j'étais n'aurait pas dû agir comme ça ». Que si les mecs qui se disaient avoir compris ce qui se passait avaient réellement compris, en fait, ce qu'on attendait d'eux, c'était juste du silence, en fait, et de l'écoute. Et le fait qu'ils veulent prendre la parole et qu'ils veulent se mettre en avant, enfin, en montrant à quel point eux, ça leur faisait trop réfléchir, pour moi, c'était presque genre dévaloriser les efforts faits par toutes les autres personnes qui avaient témoigné, quoi. Et en même temps, il y a plein de personnes qui avaient été victimes de violences, qui avaient témoigné, qui ont remercié ces mecs-là de prendre la parole et de montrer qu'ils avaient compris. Et donc, c'est pas quelque chose que je peux me permettre de considérer comme illégitime, quoi. Et après, du coup, tu me parlais aussi par rapport à tout ça. Tu avais vu aussi tout le volet du traitement médiatique, en fait, ça, parce que tu étais dans ces messages, si tu veux raconter, peut-être. Voilà, donc c'est un mouvement qui a eu lieu sur un groupe privé, donc qui à l'origine n'était visible que par les étudiants et les étudiantes. mais qui rapidement a fait l'objet d'un traitement médiatique. Surtout, moi, ce qui m'a vachement marqué, c'était le reportage qu'il y a eu dans France 3 Région. Et c'était l'horreur. Vraiment, j'étais estomaquée de ce truc, parce qu'en fait, donc la personne qui a lancé les témoignages a été interviewée par une journaliste. Elle a expliqué plus tard, mais l'interview a dû durer 3 quarts d'heure, et donc elle a expliqué toute la portée de ce mouvement de libération de la parole, tout ce qu'impliquait le consentement, mais elle a aussi également témoigné des violences qu'elle avait subies. Et en fait, ce qui a été gardé au montage, c'est la minute où elle décrit les violences qu'elle a subies. Et alors qu'elle a vécu des choses extrêmement violentes, mais expliquait derrière que si c'est que les violences, en fait, elles sont beaucoup plus insinueuses que ça. Et que ce qu'elle a vécu, c'est presque exceptionnel dans sa forme, et que c'était pas du tout... Enfin, c'était pas uniquement ça dont on parlait. Et ce qui a été gardé, c'est uniquement l'aspect sensationnel. Et en plus, il y a eu un partage de screenshots du groupe, sans anonymisation. Ce qui, pour un mouvement sur le consentement, est un peu problématique, parce que du coup, il y a des personnes qui avaient témoigné dans un groupe privé qui se sont retrouvées avec leur témoignage et leur nom affiché au JT. Mais ouais, c'est ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il y avait vraiment une parole hyper construite qui s'est créée du coup au fil des jours et des semaines, avec au début ce qui était vraiment uniquement des témoignages, et après de plus en plus des analyses vraiment de culture du viol, et sur la socialisation des mecs, sur le rapport genré à la drague, sur aussi la socialisation des femmes, et la façon dont on leur apprend que finalement leur consentement n'est pas si important, et que quand c'est paru dans les médias, c'est pas du tout ce qui est ressorti en fait. Et ça, c'était assez dur. À l'intérieur de l'établissement, ça faisait avancer les choses, mais que, en fait, dès qu'on veut toucher d'autres gens, bah tout est à refaire, quoi. Et des journalistes qui préparent un JT sont même pas capables de se renseigner correctement et abusent en fait de la confiance que leur donnent les personnes qui ont accepté de témoigner. Mais c'est assez révélateur, ouais, de la façon dont fonctionnent les médias, qui n'ont plus du tout d'avoir cette ligne, enfin les médias mainstream dominants, d'avoir cette ligne d'analyse, de critique, de faire vraiment... bouger les choses, mais plus, oui, du sensationnalisme, et qui extorque totalement, du coup, la parole, et qui dévie, et en fait, qui produit une violence supplémentaire dont on parle peu, mais déjà, quand on subit de ce type de violence, on parle d'objectivation, donc la personne qui l'a subi est traitée, en fait, on lui nie sa capacité à être sujet, et là, en fait, une nouvelle fois, la personne... prend la parole, donc se réaffirme en tant que sujet, parfois ouais, analyse les choses, souligne ça, l'importance, mais non pas parce que c'est un cas individuel, mais pour montrer à quel point c'est diffus, systémique, etc. Et en fait, de nouveau, c'est le même phénomène en fait qui se reproduit. On ne voit plus cette personne comme une personne qui a fait ça, mais juste comme une personne qui a vécu ça, et on la renvoie qu'au côté... tu as été l'objet d'une agression sexuelle. Quoi. C'est ça. En tant qu'objet d'agression sexuelle et comme objet sur lequel poser la caméra, quoi. Et image qui va faire cliquer. Mais oui, jamais comme sujet et comme personne derrière, quoi. Comme être humain qui a plein d'autres... Enfin, qui a d'autres dimensions, etc. Et en fait, après, on s'étonne qu'il y ait énormément de personnes qui n'osent pas encore libérer leurs paroles, mais en fait, ouais, c'est décourageant, ça fait pas envie, quoi, quand on voit ce qu'on fait de cette parole-là et qui sert surtout à alimenter ces débats. Voici les messages de mon amie sage-femme, très prise notamment par ses gardes ce week-end. Ce message a été mis par mes soins à l'inclusif. Alors pour la grève, c'est simple. On a été oublié du Ségur de la santé, ça nous a fait craquer. Sur le terrain, en hôpital et clinique, de moins en moins de sages-femmes pour s'occuper des assignées femmes. Donc, maltraitance. Anna Roy, si vous avez le temps de regarder, a lancé « Je suis maltraitante » car on court partout, c'est pas possible de s'occuper des patientes. Des étudiantes sages-femmes avec des signes de dépression pour 70% d'entre elles, car nous sommes médicales comme médecins et dentistes, et des études ont montré qu'en 6 ans, nous ingurgitons un programme beaucoup plus chargé que les étudiantes dentaires pour débuter à 1 600 euros avec la pression. Du côté des libérales, c'est intense et des difficultés à travailler. peu de plateaux techniques. On nous parle des maisons de naissance depuis 20 ans, blocus des vieux médecins qui sont dans les instances dirigeantes pour étendre notre droit de prescription qui a été préconisé. Ils ont clairement dit qu'on allait mettre les « entre guillemets femmes » en danger. Dans les faits, on fait souvent leur travail, ça les arrange et on prescrit à leur place. Une profession avec 97% de femmes qui s'occupent d'une majorité de femmes. Nous faisons dans la prévention de la santé des assignées femmes et des bébés, mais les patientes et leurs conjoints, conjointes, ne le savent pas souvent. Nous voulons faire des tests sur notre science de la maïotique, toujours pas reconnue. Nous sommes des sorcières, travaillons dans l'ombre. Nous représentons la liberté et une menace pour le patriarcat. On a une grève générale qui se prépare le 5 mai, avec pour mot d'ordre, tous à Paris. Je t'embrasse, à très vite. Extrait de l'interview avec Elio. Du coup, a lieu demain une AG pour revenir sur la manifestation du 8 mars. Et étant donné que ça s'est pas hyper bien passé pour beaucoup de monde dans FACAP, mais aussi pour moi, je dirais pas surtout pour moi, mais je l'ai très très mal vécu, j'en ai profité pour écrire un truc que je voudrais leur lire. Sur justement ce que j'ai pu ressentir et ce qu'on a pu ressentir pendant la manif. Du coup, c'est ce que je vais lire maintenant. Je souhaitais profiter de cet AG pour prendre la parole par rapport à la manifestation du 8 mars et du coup également par rapport à notre position dans l'AG féministe. À de nombreuses reprises, nous avons revendiqué que celle des femmes blanches cis-hétéro valide. Bien que ces demandes soient extrêmement énergivores à demander à chaque AG, nous nous sommes souvent rassurés grâce au fait que cela servirait à quelque chose, puisque vous n'avez jamais été réticente à cette inclusivité, et que la communication de la manifestation, bien qu'elle fût difficile à réaliser, allait vers plus d'inclusivité. Quelle déception fut alors de voir que lors de la manifestation, aucun autre discours que le nôtre, et je crois me souvenir celui des coloreuses, n'était inclusif. Je ne sais pas si vous réalisez le sentiment que peut procurer le fait d'être invisibilisé au sein même de sa propre lutte. Je suis sortie de cette manifestation du 8 mars en étant plus découragée que je ne l'ai jamais été, car comment garder espoir pour nos luttes quand dans le milieu féministe, qui nous concerne aussi car nous luttons contre le même système d'oppression, personne ne semble comprendre. Car même si nous voyons bien que vous êtes prêteux à afficher l'inclusivité lors de la communication, que montre la non-inclusivité de vos discours, de votre réelle compréhension des enjeux queer ? Je suis sortie de cette manifestation du 8 mars en étant plus découragée que je ne l'ai jamais été, mais aujourd'hui je suis juste en colère de voir que les mécanismes d'oppression et d'invisibilisation que nous dénonçons dans la société se reproduisent dans les milieux militants. En effet, plutôt que d'être dans une sphère militante dans laquelle nous pouvons retrouver d'autres personnes pour lutter entre nous, l'AG semble devenir une nouvelle sphère où nous devons militer pour nos droits et faire de la pédagogie. Vous comprendrez donc que FACAP réfléchit à sa position au sein de cette AG féministe, car même si nous souhaitons y rester pour continuer à mener dans la lutte féministe bordelaise question d'inclusivité, nous voyons que peu de nos membres ont réellement encore l'énergie de le faire. Ainsi, sans quitter totalement l'AG, car il nous semble important que notre collectif ait toujours sa place dans le milieu militant bordelais, il est plus que probable que nous soyons moins présenteux en tant que collectif à ces réunions. Okay. Du coup, est-ce que tu veux revenir un peu sur, sur comment tu as vécu la manif Du coup, moi personnellement, j'ai plutôt très mal vécu cette manif. Après, je pense que c'était un mélange de plein de choses, notamment du cortège qu'on avait à gérer, mais que moi, mais vraiment en tant qu'individu, j'ai du mal avec toute cette organisation. Mais après coup, il y a en fait, du coup, c'est ce que je dis dans ce texte, c'est que l'inclusivité qui a été affichée au premier abord et pour laquelle on a donné beaucoup d'énergie et de temps, en fait, j'avais l'impression qu'elle était comprise, mais en fait, elle l'était pas du tout. Et en fait, après coup, ça m'a donné un vrai sentiment de... en fait, c'est décevant dans le sens où moi, je me dis, si même dans ces milieux-là, qui sont militants et qui réfléchissent sur ces questions de système d'oppression, de patriarcat, et dans laquelle les luttes trans et non-binaires sont nécessairement incluses, je me dis, mais si même dans ces milieux-là, personne ne comprend, ça me donne juste l'impression que dans la société en général, personne ne comprendra. Et c'est juste extrêmement décourageant. Je pense que ça m'a empêché tout court de manifester. Enfin, concrètement, cette manifestation du 8 mars, je ne l'ai pas du tout vécue. Je pense que j'ai été... j'ai eu conscience de la manifestation le temps, vraiment, mais à tout péter, tout mélanger, 15 minutes sur une manifestation qui a bien duré 3 heures, je pense. Et j'ai eu juste une prise de conscience où du coup je me suis foutu torse nu, machin, j'ai écrit Transpédéguine. Et c'était mon seul acte de revendication. Mais en dehors de ça, vraiment, j'étais pas du tout présent dans la manif. J'avais pas de colère, alors que c'était une date que j'attendais parce que c'est la date normalement, c'est une des dates pendant lesquelles on crie notre colère. Et j'étais juste perdue en fait, genre réellement, au premier abord, j'ai laissé partir la manifestation devant moi. Je me suis demandé si j'allais juste pas rentrer chez moi. Et je l'ai pas fait parce que, laisser partir le 8 mars et rentrer chez moi, ça aurait été un peu dur psychologiquement à vivre. Mais je pense que ça m'a juste empêché de manifester. Et ouais, en fait, d'arrêter de faire cette police de l'inclusivité en permanence, ben, ça me laisserait aussi le temps d'aller chercher sur plein d'autres luttes qui sont absolument nécessaires. Et c'est ce qui était très présent, je trouve, pendant les AG de la préparation du 8 mars, c'est que pendant qu'on voyait tout le monde avançait sur des questions d'organisation et de qu'est-ce qui allait se faire et du coup quelles questions étaient abordées pendant la manif. Mais en fait, nous, de notre côté, parce qu'on communiquait tout le temps par message, on restait bloqués sur le fait de cette non-inclusivité et que forcément, ça nous faisait péter un câble parce que c'est juste hyper violent. Mais c'était vraiment tellement visuellement, genre... ça se voyait en fait que nous, on était bloqués sur cette inclusivité et à chercher comment la mettre en avant dans ces milieux, alors que pendant qu'on était là à rager de notre côté, tout le monde avançait sur d'autres questions, et c'est juste, en fait, laisser le temps de penser autre chose que nous, en plus, on a déjà avancé, sur lesquelles on a déjà avancé. Je pense qu'il y a quand même un truc pas spécifique à la non-binarité, parce que je suppose qu'il n'y a pas que les personnes non-binaires qui sont archi-invisibilisées, mais quand même, la non-binarité, en règle générale, dans l'espace public, n'existe pas aux yeux des gens. Et les milieux militants, enfin en tout cas FACAP, c'est un peu le seul endroit où ça existe, où les personnes le prennent en compte, et donc où réellement en fait ça le fait exister. Et du coup que dans ce milieu militant un peu plus élargi ça ne le soit pas quand même, ça me donne la sensation de ne pas exister du tout genre dans la société. Et vraiment, je suis sortie de ce 8 mars et pendant la semaine qui a suivi, j'avais juste la sensation de ne pas exister. Et je trouve ça affligeant en fait que moi, en tant que personne qui était concernée par ces luttes du 8 mars, parce que ça concerne les femmes mais aussi toutes les autres minorités de genre qui sont oppressées, pas de la même façon parce qu'il y a des trucs spécifiques, mais qui sont oppressées aussi par le patriarcat, que moi je sors de cette manif du 8 mars en ayant encore plus la sensation de ne pas exister, ça me fout tellement en colère, et c'est ce que tu disais, je sais pas si c'est un but en soi de continuer à militer avec ces personnes, enfin si ça avance, oui, mais le fait est que là ça faisait 3 mois qu'on essayait et que ça n'avance pas en fait, donc c'est la question de est-ce qu'on continue à s'épuiser à essayer de mettre ça en lumière dans ces milieux-là, ou est-ce que juste on laisse tomber et on va militer nous de nos manières Bah du coup, le fait d'être toujours dans ce truc-là, de devoir veiller là-dessus, en fait, ça fait que on est toujours ramené à ce degré zéro, on va dire, de ok, on milite juste pour exister par rapport à cet aspect de notre identité qui permet pas en fait de s'épanouir et de se penser aussi sous d'autres aspects de notre personnalité, enfin de même avoir le droit à avoir juste une personnalité, à se pencher sur d'autres questions, parce que... Enfin, je trouve ça super fort que tu aies le sentiment de pas exister, parce que par des discours et des manifs qui ne sont pas inclusifs, alors que... Enfin, parce que ça invisibilise la non-binarité, mais en fait, genre, enfin, la non-binarité, c'est pas toi, tu vois, enfin, genre, t'es bien plus que ça, et t'es un être sur plein d'autres aspects, mais en fait, tous ces aspects, c'est comme si... il suffisait pas pour exister, parce que en fait on te permet pas de vivre pleinement dans tous les autres aspects de ta vie, de ta personnalité. Mais c'est ça en fait, c'est tellement invisibilisé que c'est forcément le truc que je vais revendiquer, parce que ça doit être mis en avant, et effectivement c'est pas du tout toute mon identité, mais ça en fait partie. En fait, le fait que ce soit pas pris en compte, ça fait que je vais y penser en permanence, et que du coup, effectivement, ça ne me laisse pas la disponibilité cognitive de pouvoir réfléchir à d'autres sujets et... Ouais, parce que du coup, ce truc de tout le temps avoir... ouais, c'est ça, à le revendiquer et à l'expliquer aussi. Et c'est un truc que j'ai vachement ressenti. Enfin, là, que je ressens dans le milieu féministe, du coup, qui me pousse à tout le temps réfléchir à ça, mais aussi depuis à peu près 2 ans, où je fais des coming out à répétition, parce que la non-binarité, c'est ça, c'est que, en fait, c'est un truc... Enfin... C'est différent des orientations sexuelles dans le sens où, enfin, à un moment donné, si je veux que mon prénom et mes pronoms soient respectés, je suis obligée de m'outer en fait en permanence. Et du coup, à toutes les personnes que je rencontre, je suis obligée de le dire et de l'expliquer. Et après 2 ans de ça en permanence, ben, j'avais l'impression que ça me réduisait à ça en fait. Parce que le seul truc par rapport auquel je passe autant de temps à expliquer, ben, c'est la non-binarité. Et j'ai l'impression que du coup, bah, ça me réduit aux yeux des gens à cette non-binarité, alors que, enfin, il y a plein d'autres choses qui façonnent mon identité, et c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Enfin, j'ai repris l'idée que tu avais eue d'écrire un texte sur qui t'étais, en dehors, enfin, juste un flot d'informations sur qui t'étais, et je l'ai fait parce que, genre, ça me saoulait en fait que tout le monde voit de moi qu'une personne non-binaire et que les gens me réduisent à ça, alors qu'il y a tellement d'autres choses qui façonnent mon identité. Extrait d'une conversation post-réunion FACAP. J'ai l'impression que, enfin, que là, enfin, depuis tout à l'heure, on tourne autour d'un point. Autour du pot du pot, oui. D'un point. Mais peut-être qu'on ne tourne pas tous autour du même pot, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est très fort, c'est la question de la colère, je pense. Ah. Et. Du coup, on n'est pas sur le même pot. On est autour du même pot. Ah, super. La colère... Enfin, parce qu'en fait, FACAP, mais FACAP, les queers, les minorités sexisées, enfin, il y a un truc de... On est très fort en contre-manif parce qu'on est porté par notre colère, parce qu'on est directement menacé, et qu'à ce moment-là, on arrive à utiliser notre colère en moteur pour s'opposer, tu vois. Et mais on a tellement l'habitude d'être minorisé, d'être victimisé, d'être maltraité, qu'on sait pas. C'est un truc que t'as déjà dit, que je t'ai déjà entendu dire et que je trouvais très chouette, et qu'il faut on n'arrive pas à se poser en porteur de lancer des actions quand on n'est pas dans une contre-réaction immédiate. Et j'ai l'impression que dans ces moments-là, et je trouve que ça s'est ressenti au 8 mars, mais souvent, là, notre colère, elle nous coupe. Enfin, on n'arrive pas à créer, à relancer cette énergie qu'on trouve quand on est dans la contre-réaction immédiate. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est spécifique à FACAP, c'est spécifique à nous, les discriminés, les ce que tu veux. Parce qu'on sait pas ce qu'on se trouve autrement, parce qu'on se fait tout le temps marcher dessus, donc c'est une réaction de paillasson qui se relève, je sais pas. Mais c'est un truc, enfin, il y a quelque chose à faire là-dessus, tu vois, d'utiliser notre colère, de puiser dedans pour vraiment créer des 8 mars avec un... Même si notre cortège était fort, mais... Tu vois, il y a toujours ce truc de, ah bah ouais, on nous a pris la place on est frustré, et du coup, et tout ça. Et parce que la colère, elle était aussi contre l'orgueil. Ouais, elle était vachement diluée, tu vois. On n'était pas sur un point de, ok, là on est en colère contre Marchand d'Enfants parce qu'ils sont en train de dire qu'ils préféraient qu'on meure plutôt que de nous laisser les mêmes droits qu'elle. Ok, c'est clair. Là on est en colère contre tout le monde, contre 15 000 cortèges, contre l'orgueil, contre le mec 6 à côté qui gueule trop fort c'est compliqué. Ouais. Et on se divise. Et du coup, ouais, tout ça dans ce. C'est pour ça que le 8 mars était frustrant aussi. C'est ça qui me fatigue dans le militantisme queer, et plus spécifiquement dans le transactivisme, c'est que j'ai l'impression que je me bats pas non seulement contre le patriarcat, je me bats pas seulement contre un système oppressif, c'est que je suis obligée de me battre également dans les espaces de lutte féministe pour avoir ma place, pour avoir de la visibilité. Et en fait, c'est épuisant, et je me rends compte que là, moi, j'en suis à un stade où j'ai plus très envie d'être en colère, parce que juste je suis fatiguée de ressentir ça en permanence, et je trouve pas que ce soit Enfin, je me sens pas forcément bien là-dedans, tu vois. Extrait de l'interview avec Claudie. Mais ouais, j'ai vraiment eu ce ressenti de... Bah ouais, on pouvait apporter des trucs, mais on n'était pas suivis, en fait. Et que quand on essayait de montrer des points sur lesquels on pensait qu'il y avait des lacunes, notamment sur l'inclusivité, sur l'intersectionnalité des luttes, on se retrouvait face à un silence assourdissant ou juste un truc où on nous renvoyait la balle, quoi. Moi, je me souviens d'avoir abordé en AG la question de l'accessibilité du cortège, donc pour qu'il soit accessible pour les personnes handicapées, pour les personnes neuroa. Et donc l'idée de FACAP, c'était de faire un cortège calme, donc qui puisse être vraiment intégré au cortège de la manif, mais aussi un lieu sans trop de stimulation pour les personnes qui le souhaitent. Et j'expose le truc à l'AG et tout, et ça s'est fini par une personne de l'AG qui me balance « Ok Claudie, tu t'en occupes ?» J'étais là genre « Bah merci en fait, enfin, moi je venais justement pour vous dire que c'est un truc qu'en tant que collectif FACAP, on peut pas porter seul, parce que c'est une grosse organisation. » Et donc j'ai eu l'impression que dès qu'on sortait un peu des clous des habitudes ancrées, c'était pas leur problème. Et du coup, je sais pas trop ce que c'est leur problème. Et leur problème, c'est qu'elles pensent pas en dehors de ce qui les touche direct. Ce qui est fou, c'est que ces personnes entendent le fait que oui, il y a d'autres luttes qu'il faut prendre en compte, mais quand on leur dit, mais ne se positionnent pas, enfin ne font pas l'effort d'aller voir comment le faire par elles-mêmes, en tant qu'alliées, etc. Et en fait, et on le renvoie aussi un peu comme une dimension politique. Enfin, on apporte notre force dès qu'il y a des choses là-dessus. Mais par contre, quand on parle de la PMA, bah, on nous dit bah, « Ok, faites votre petit truc, etc. » Mais il ne faut pas que ça devienne prioritaire. Et... C'est ça. Enfin, moi, la PMA, ça m'a vraiment choquée. Enfin, après, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Mais ça m'a particulièrement choquée de voir que dans les premières ébauches de communication, elle n'était pas mentionnée. Alors qu'en fait, on venait d'être... Enfin, le Sénat venait de vraiment nous cracher à la figure 2 semaines avant, en prenant même pas le temps d'examiner correctement la loi, en fait. Enfin, le Sénat devait examiner la loi bioéthique dans laquelle il y a la PMA, et s'est trompé dans un vote. Genre, ça arrive, ils ont fait n'importe quoi dans leur débat, ils ont mal voté le truc, et ils ont fini par enlever la PMA du projet de loi. Et ils se sont dit qu'ils allaient faire une seconde lecture, qu'ils n'ont même pas faite, en fait. Ils ont dit, on s'est trompé dans les votes. On a fini par enlever un article qu'on ne voulait pas. Mais en fait, on va laisser le projet de loi comme ça, et c'est l'Assemblée qui se débrouillera. On va même pas prendre le temps de vraiment voter le truc comme on voudrait que ça soit, tellement on s'en fiche, en fait. On va même pas prendre le temps de faire bien le boulot. Enfin, on était à ce niveau-là de mépris, quoi. De genre... Eh, vous savez quoi, on va supprimer vos droits, mais vas-y, on dit que c'est pas grave. Mm. Enfin, quel type d'indécence, quoi. Et ça, c'était absent de la vision des autres féministes, quoi. Extrait du discours de Charlie, qui aura été énoncé le lendemain, place Péverlan, à Bordeaux, lors de la manifestation. Aujourd'hui, en France, je n'ai pas les mêmes droits que les hétéros. Aujourd'hui, en France, en tant que personne trans, si je change mon état civil et que je porte mon enfant, je ne pourrai pas être reconnue comme son parent légal. Si je suis mariée à une personne qui n'est pas un homme cis et que je tombe enceinte, Mahon conjoint devra adopter son propre enfant. La PMA en France est sexiste, en excluant les femmes seules. La PMA en France est lesbophobe, en excluant les couples de femmes. La PMA en France est transphobe, en excluant les hommes trans et les personnes non-binaires assignées femmes à la naissance et en empêchant les femmes trans d'utiliser leurs gamètes. La PMA en France est raciste. Le temps d'attente est 3 fois supérieur pour les personnes racisées et les sécos continuent d'associer la couleur du donneur à la couleur de la receveuse. La PMA en France est grossophobe, en interdisant la PMA aux personnes ayant un IMC au-delà de 35. Nous exigeons aujourd'hui la fin de cette politique colonialiste, grossophobe, transphobe, lesbophobe et sexiste. Nous exigeons aujourd'hui la reconnaissance et la protection de nos familles, la reconnaissance de la mono et de la pluriparentalité. Nous exigeons aujourd'hui que l'AAH soit désolidarisée des revenus du conjoint pour que le mariage pour tous existe enfin. que les mutilations sur les personnes intersexes soient interdites, que les thérapies de conversion soient abolies, que la mention du sexe à l'état civil soit supprimée. Les droits des personnes queer sont des enjeux vitaux aujourd'hui, et nous concernent tous. Il est grand temps que le mouvement féministe lutte réellement avec nous et prenne en compte nos existences. Extrait d'une conversation FACAP. Je trouve qu'il y a un truc de cercle vicieux dans les luttes queer et dans les luttes féministes, dans le sens où, pour moi, elles sont reliées et elles devraient pouvoir avancer ensemble. Mais le fait est que on ne se sent pas intégré et il y a un clivage qui se crée, qui n'est absolument pas aidé par toutes les TERF et SWERF qui peuplent, qui gangrènent dans le milieu féministe. J'ai l'impression qu'il y a une réelle attente de la communauté queer à une remise en question des féministes sur leur lutte. En soi, j'ai pas l'impression qu'on ait oublié les leurs et celles qu'on a en commun. Juste qu'effectivement, elles sont là pour le défendre et elles font un gros taf dessus. Et nous, on a aussi nos existences à défendre et à revendiquer et nos vies à survivre, en fait. Nous, les personnes queer, alors que nous aussi, on est queer féministes et radicales et dispo, elles nous considèrent comme des options quand nous, on les prend en point de départ. C'est toujours ce truc de ouais, vous êtes tout le temps en train de parler de vous et ramener la couverture à vous, les queers, c'est chiant. Mais en fait, non, on est là tout le temps. Que ce soit la manif avec 4 pelés, 2 tondus, on est là, on se fait chier, on vient tout le temps pour vous. Mais parce que c'est nous aussi. Il faut 18 AG juste pour que vous soyez d'accord pour écrire les personnes sexisées ou pour mettre de l'écriture inclusive ou juste pour, je sais pas, considérer. Alors, c'est juste qu'on n'a pas du tout la même. Nous, on les respecte, on les considère de base, et eux, il faut toujours qu'on lève la main. Enfin, tu vois, c'est pas une question de on se sent pas inclus, c'est en fait non, on ne l'est pas. On ne l'est pas, ou par 3 personnes et demie. Et en fait, c'est toujours cette sensation que quand il y a qu'une lutte, on exclut une autre, ou la crainte d'être invisibilisée, et en fait, on peut faire ça tout le temps. Enfin, on voit la même peur que on peut avoir les mecs dominants cis, etc. Que attends, si tu parles du féminisme et que dans des milieux militants, genre chez les cocos, chez tout un tas de branches, etc., qui disaient ah non, mais on va pas parler de la cause féministe, sinon ça va, on va plus voir la lutte des classes, on va plus voir ça, et qu'on a dans les mouvements LGBT. Et c'était le texte dont tu nous as fait la lecture à voix haute, et de tous les mêmes bails qu'il y a eu dans les féministes. Mais comme tu dis, c'est hyper redondant, de genre lesbianisme séparatiste, et genre les lesbiennes qui dans le féminisme d'un coup ramenaient un peu trop la couverture sur le lesbianisme alors qu'elles étaient sur les autres luttes. Et après, quand il y a eu tout un mouvement international trans, etc., non, attendez, les trans, vous allez invisibiliser ça, etc., etc. Et on peut l'avoir aussi avec les personnes ace. Et dans les trans aussi, entre les non-binaires et les personnes qui ont une vision binaire de la transidentité, et entre... Oui, c'est... Mais ça, c'est une stratégie de gatekeeping, c'est une stratégie politique. Et en fait, le problème, c'est qu'on le fait tous, sauf... j'aimerais bien dire sauf nous, mais je suis sûre que si on cherche, on va réussir à trouver quelque chose, des gens qu'on exclut de nos luttes. Mais en fait... les mouvements, que ce soit les mouvements de le MLF ou genre les LGBT Association, ont toujours fonctionné avec des processus d'exclusion-inclusion. Et en fait, quand tu exclus, quand tu inclus quelqu'un, c'est parce que tu as besoin que tes revendications elles soient cohérentes et elles aient l'air bien devant les dominanteux. C'est jamais about us, en fait. C'est rarement about us. Si les femmes, la femme nous exclut, nous, et je dis ça en tant que meuf cisgenre, ce qui me bute de rire quand même, franchement, c'est que, en fait, elles ont l'impression que si nous, on prend trop de place, on n'entendra plus leurs revendications qui sont globalement arrêtées de nous, trigger warning, violer, nous harceler dans la rue, laissez-nous avoir des bébés toutes seules, blablabla, tu vois. Et les personnes, j'en sais rien, moi par exemple, les personnes LGBTQIA+, vont exclure les bisexuels parce que, oui, bon, c'est bon, genre, toi, tu peux faire le choix de te mettre avec un mec si t'es une meuf, c'est bon, tu vas être hétéro. Nous, nos vraies revendications, c'est moi, peu importe mon partenaire, je peux pas marcher dans la rue. LGBTQIA+ vont exclure les personnes A parce que sinon on va pas avoir nos revendications liées à nos sexualités parce que les personnes ACE n'en ont pas, soi-disant MDR, PTDR. Et enfin, genre dans les personnes trans, ça me concerne moins, mais c'est pareil, c'est une histoire de genre si ces personnes-là qui sont encore un peu trop loin dans le game prennent de la place, nous nos revendications très matérielles d'avoir accès à peu importe ce qu'on veut, a des droits, hein, oui, voilà. On va pas les voir, donc. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est que du coup, la légitimité encore, elle se pose sur... Enfin, c'est un peu ce truc de la souffrance. Ta lutte, elle va invisibiliser la mienne, parce que du coup, on va plus voir qu'en fait, moi, je souffre aussi. Peut-être, et je souffre plus que toi et tout. Et en fait, genre, du coup... Mais c'est un peu ça, parce que du coup, c'est de dire... Non, non, mais attendez, si on parle des personnes trans, après, on parle plus de la souffrance des femmes cisgenres, ou etc. Et comme si, en fait, il y avait vraiment des hiérarchies. Et en fait, c'est totalement nier l'intersection de tout ça. Parce que, oui, mais ok, mais en fait, en tant que personne blanche aussi, tu souffres peut-être moins que genre, une personne racisée. Et en fait, une personne racisée universitaire souffre moins qu'une personne peut-être blanche, mais trans, mais dans un... Et en fait, ouais, il y a des hiérarchies dans les oppressions et dans les vécus. Et en fait, on n'a pas tous la même façon de vivre la douleur aussi, ou la façon de la conscientiser. Et en fait... Enfin, tout le monde s'érige, en fait, en légitimatrice de la souffrance des autres et de leur droit à militer pour leur existence. Et... C'est enfin... complètement débile. C'est comme si on disait, genre, voilà, ça c'est dit. Le jardinage existe, donc ça va invisibiliser la pêche. Et là, ça veut dire, dans le monde, il y a toujours eu des gens qui faisaient du jardinage, il y a toujours eu des gens qui faisaient de la pêche. Et ça, ils ont toujours été discriminés. La pêche n'a jamais invisibilisé le jardinage n'a jamais invisibilisé la pêche, tu vois. C'est vrai que c'est exactement la même chose. Mais c'est... La PMA, c'est quoi, la pêche au bébé, au final. Donnez-nous des bébés, merde. T'as qu'à aller les pêcher quand même, merde. Mais après, bien sûr qu'il y a de la hiérarchie. Oui, bien sûr. On va forcément mettre en avant ce qui nous concerne, nous. Et quand on parle, effectivement, quand on parle d'intersectionnalité, quand on parle d'être allié, il y a aussi cette chose d'être là en mode « D'accord, oui, ce qui me concerne, je le trouve plus important parce que justement, ça me concerne et je le vis tous les jours. » Mais... quand on part dans ces bails-là d'intersectionnalité, dans ce bail d'alliés, il y a quelque chose qui change, dans le sens où effectivement on va être face à des luttes qui prennent autant de place dans la vie de des personnes concernées que nos discriminations prennent de la place dans les nôtres. C'est facile de le penser, et de le penser sincèrement, plus en tout cas que de vraiment le mettre en action, quoi. Extrait de l'interview avec Claudie. Ce qui me choque vraiment, c'est qu'en fait elle le considère comme si c'était un peu d'autres luttes. Oui. Mais en fait, ce qu'elles perçoivent pas, je pense, c'est que c'est leur lutte aussi, en fait. Parce que toutes les questions de PMA pour les femmes célibataires, pour les couples de femmes cis et pour les personnes trans, en fait, c'est toujours une question de droit à disposer de son propre corps. Oui. Et du coup, tu peux pas le dissocier. Parce que si on accepte que... on ne puisse pas disposer de notre propre corps pour la PMA, enfin, forcément qu'on ne va pas nous laisser disposer de notre propre corps pour l'avortement. Enfin, c'est la même lutte. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle le considère comme un truc minoritaire qui concerne les trois avec les cheveux bleus là-bas. Et alors que c'est vraiment pas ça l'enjeu. Enfin, oui, l'enjeu, c'est nos droits, c'est nos vécus, c'est nos vies. Mais il est beaucoup plus profond que ça. Et refuser de prendre en compte nos revendications, c'est vraiment occulter toute une partie de leur propre lutte, je pense. Mais parce qu'elles ne le voient pas comme leur propre lutte, effectivement. Je pense qu'il y a deux choses qui se jouent là-dedans. Il y a à la fois une part un peu d'ignorance, vraiment, et d'ignorance de position dominante qui ne voit pas quand ça ne les touche pas directement, le problème, etc. Et après, il y a aussi une part qu'on retrouve chez les féministes TERF, qui rejettent les personnes trans, etc., des luttes féministes notamment. C'est ce côté, on va... En fait, si on apporte les luttes LGBTQIA+, on perd de la lutte féministe des personnes cis dans des couples hétéros, etc. Et en fait, pour moi, c'est une vision de ne pas voir en fait, à quel point le patriarcat... Enfin, en fait, le féminisme institutionnel a bien capté qu'il y avait une inégalité entre... les assignés hommes, les assignés femmes, n'a pas capté qu'en fait le fait même d'avoir une binarité, c'était aussi construit, et qu'en fait c'était le même système qui avait construit cette domination et cette binarité, qui du coup était liée aussi au racisme et au colonialisme, et exploitait aussi et empêchait les personnes de minorité de genre enfin, et avec d'autres désirs, d'autres rapports, d'autres façons de faire famille, etc. Et d'autres rapports à leur genre, et les empêcher de vivre en conformité avec ce qu'elles souhaitaient et ressentaient. Et je pense que ce point aveugle dans les pensées féministes, il se retrouve là dans le fait même que, bah, par exemple, dans la communication, alors qu'on... Enfin, de dire, ok, c'est la journée de lutte, enfin, internationale des luttes des femmes et des minorités de genre. Le « et », il veut tout dire. Parce que pour moi, les femmes sont des minorités de genre. Pas la minorité, c'est pas politique. Si on prend... Je crois que c'est Gramsci, enfin, je sais plus de où ça vient exactement le terme minorité. Oui, la minorité, c'est pas politique. C'est politique, c'est pas numérique. Mm. Enfin, je sais pas, si on dit, par exemple, les personnes racisées sont considérées comme une minorité. D'un social, point de vue social, d'un point de vue politique. Mais vraiment, si on fait l'addition dans le monde... Il y a plus de personnes. Il y a vraiment beaucoup plus de personnes racisées. Que de personnes racisantes, ouais. Voilà. Bah oui, et en fait, c'est ça. C'est quand même censé être un acquis dans... Socialement, quand on parle de minorité, qu'on parle de minorité politique, et donc on n'a pas besoin de dire... Enfin, femme et minorité, genre, sinon nous, on se situe où là-dedans? Parce que du coup, tu t'es... T'es femme et lesbienne et enfin tu peux pas être les deux en fait. Et non, enfin les femmes font partie des personnes qui, oui, les femmes, qu'elles soient que ce soit des femmes cis, des femmes trans, peu importe, des femmes, enfin peu importe, elles font partie d'une minorité de genre parce qu'elles vont subir une domination patriarcale. Mais voilà, il y a plein d'autres façons d'avoir un autre rapport au genre féminin, et il y a plein d'autres minorités aussi. Il y a des mecs trans qui sont des minorités de genre et qui subissent le patriarcat. Et le patriarcat qui va se traduire par aussi de la transphobie, mais ça reste... C'est une autre spécificité du patriarcat. Genre, si je prends mon exemple, genre, je me considère pas comme cis, mais j'ai été assignée femme à la naissance et je suis pas spécialement out. Et ce qui fait que du coup, je suis dans quelle case? Je suis dans la case femme, parce que du coup, genre, techniquement, comme je suis assignée femme par les gens autour de moi... Bah, j'ai la position d'une femme dans la société, mais en même temps, je suis vraiment pas très cis, hein. Ça tient pas deux secondes, cette histoire. Et du coup, je suis dans les deux. C'est possible, ça? Moi, je veux bien, hein. Enfin, c'est séparer des choses, alors qu'en fait, pour moi, le terme minorité de genre est hyper intéressant parce qu'il montre que ce sont les personnes minorisées, mises en minorité par le fait qu'on leur impose une domination. Et puis depuis quand le fait que ça te concerne pas directement ne t'atteint pas? Enfin, genre nous on milite pour tout un tas de trucs parce que oui, on voit les trucs globaux, qu'on supporte pas les injustices. Dès qu'on voit quelque chose qui nous touche pas, bah ouais, là nous on est deux personnes blanches et ben on va lire des trucs sur le racisme parce que oui, ben parce qu'en fait on fait société, c'est nos adelphes aussi, c'est d'autres minorités parce que nous-mêmes en tant que personnes blanches on véhicule du racisme et que du coup c'est une responsabilité de le faire et ben les personnes cis doivent s'intéresser. Enfin, ça te touche pas parce que ça te touche pas parce que ça te plombe pas ta vie, mais ça te touche parce que t'es dominante et que tu le perpétues. Et en fait, de pas vouloir le voir, c'est... Ou même des c'est le perpétuer, où... en fait. C'est faire de la transphobie ordinaire, quoi. Enfin... Genre, ce fameux corsage accessible, comme on a les autres co-organisatrices de la manif ont refusé de nous prêter main forte, on a voulu le faire seul, pour quand même essayer. Bah forcément ça n'a pas marché parce que c'est un truc qui avait besoin qu'on s'organise, qu'on soit plus nombreuses. Et moi c'est un truc que j'ai pas, enfin qui m'a vraiment saoulée sur le moment, quoi. Et on aurait eu besoin de, je sais pas, d'annonces au mégaphone, de trucs, de machin, quoi. Et vraiment ouais, moi souvent je me suis sentie aussi super démunie, super déçue que ça se passe comme ça. Et donc, finalement, c'est un truc qu'on a lâché, quoi, assez rapidement dans la manif. Et moi qui m'a... Enfin, c'était la décision à prendre. Enfin, il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Mais c'est super, super frustrant, quoi. Parce que c'était vraiment un truc sur lequel on avait voulu réfléchir, voulu s'investir, essayer de vraiment comprendre quels étaient les... Enfin, ce qu'on pouvait faire, quoi. Et ouais, et j'ai l'impression que ouais, c'est notamment le manque de soutien qui a fait que tous ces efforts-là, finalement, n'ont pas servi à grand-chose, et qu'en plus, on a promis des trucs qu'on n'a pas tenus, quoi. Extrait d'une conversation FACAP. Ça aurait quand même beaucoup mieux marché si on avait été en tête de cortège, peut-être. Ça aurait quand même beaucoup mieux marché si ils nous avaient écoutés, ils avaient écouté l'intervention d'Éduc Pop, de Dilly et Blue, et qu'ils nous avaient attendus pour qu'on parte et qu'on serait partis. Ça aurait quand même mieux marché s'il y avait quelqu'un qui avait pris un mégaphone au tout début pour dire « Voilà comment se déroule le cortège du 8 mars. Au début, nous aurons un Untel. Au début, nous aurons ensuite, nous aurons FACAP avec leur cortège calme. S'il vous plaît, faites attention au cortège calme. » Mais bon, de toute façon, moi, je suis un peu fatiguée d'essayer d'organiser des trucs comme ça parce que j'ai trop envie. Fin. Mais on va nous... même dans notre propre sphère, il y a des gens qui pensent que c'est trop pipou. Mmh. Les emotional medics, l'accessibilité, l'inclusivité. Mais c'est de la psychophobie. C'est bien sûr. Penser que les manifs, c'est pas compatible, etc. Mais aussi, il faut qu'on soit queer, vénère et révolutionnaire. Donc, soyons queer, vénère et révolutionnaire. Depuis quand vénère contre les dominanteux, ça veut dire pas bienveillanteux entre nous. Oui. À quel moment? Oui, c'est ça. On aura au moins la palme de dire ok, on a sérieusement essayé de trouver un truc, et puis là en fait on essaye toujours et puis on baisse pas le truc quoi. Donc même si c'est peut-être pas le plus adapté pour l'instant et que là à ce moment-là ça va pas marcher pour X raisons qu'on analyse encore, bah en fait on fait attention à ça et on fait en sorte que bah on essaye de trouver un modèle qui va marcher. Je pense que c'est une expérience en soi qu'on met en place et c'est bien de le mettre en place. Il y a un côté où tu vas te dire en fait, mais à quoi ça sert, mais pourquoi faire tout ce changement, pourquoi considérer que la manif c'est pas bien comme ça, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a aussi le truc de il n'y a pas la petite remise en question. Et après, oui, effectivement, on peut dire ah ben vous avez essayé, mais ça a pas marché, hein. Et puis bah concrètement ça change quoi, et puis moi j'en ai pas besoin, et puis peut-être que si quelqu'un en a besoin, et ben c'est pas fait assez bien. Oui on travaille sur la question, et voilà, c'est si vous voulez nous aider à travailler sur cette question, et je le dis très sérieusement, si en fait si je pense que c'est intéressant qu'on ait des retours en disant ok, moi j'ai peut-être une idée en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que des personnes qui normalement vont pas aux manifs décident de sortir pour lutter contre les oppressions ou pour leurs droits, en fait. Après, là, spécifiquement au public queer, mais pourquoi pas à d'autres formes, en fait, de lutte, quoi. Enfin, aussi, il faut les repenser dans d'autres cas de lutte, quoi. Ce sera bien que ça se généralise, en fait, de cette façon-là. Et tout à l'heure, quand on parlait des revendications et quand on parlait de pourquoi on se bat, parce que nous, c'est littéralement nos existences, enfin... Je sais que si j'étais cis hétéro et que j'étais ou que quand je suis avec mon partenaire qui est un cis mec dans la rue, en fait je vais pas risquer de me faire tabasser, quoi, enfin parce que je suis avec lui, quoi. Mais donc nous c'est nos existences qui sont nos revendications, donc c'est plutôt vénère, quoi. Mais les meufs cis enfin aussi, parce qu'en fait le viol et tout machin, mais j'avais oublié certaines autres revendications, et quand vous en parliez tout à l'heure, j'étais un peu mode genre ah oui c'est vrai, c'est quoi, pourquoi avant j'avais l'impression de me battre. Et genre, j'avais oublié. Et je sais pas comment je me sens par rapport à ça, en fait. Parce que c'est grave problématique, en fait. Et j'ai juste oublié à quel point c'était important aussi. Alors qu'en plus, je suis même pas concernée. Enfin, genre, je suis pas une personne trans, je suis pas une personne racisée. Je suis juste bi, tu vois, et juste nos rois. Donc, c'est devenu des trucs très, très importants. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai plus tendance à me battre comme une alliée en ce moment, et genre à porter des pancartes queer, vénère et révolutionnaire. Et ce qui est vrai, tu vois, dans un sens. Et du coup, je sais pas trop comment je me sens par rapport au fait que on n'arrête pas de dire qu'on veut pas les invisibiliser et tout. Enfin, genre, moi, pour moi, je veux pas invisibiliser le combat des meufs cis, mais je veux pas oublier non plus que des fois, j'ai un peu cette tendance à avoir l'impression que, genre, c'est moins grave, en fait. C'est pas important. Alors qu'en fait, c'est juste que j'ai oublié parce que je traîne plus. Extrait de l'interview avec Claudie. En fait, qu'on banalise tellement les violences et on rend les victimes tellement honteuses que les personnes... et moi y compris, hein, mettent un temps fou à se rendre compte qu'elles sont victimes de violence. Enfin, quand on se prend une baffe, on sait que c'est une violence. Mm. Quand on outrepasse notre consentement, ce qui peut être mille fois plus violent, on commence par chercher où est sa propre faute. Et c'est vraiment un truc qui... Ça, je suis très énervée, là. Je vais essayer de rester calme dans ma voix, pour pas crier sur les auditeuristes, mais je suis très énervée. Et de quoi ? Extrait d'une conversation FACAP. Par contre, c'est tellement vraiment déjà dans l'espace public, ouais, et ouais. Nous, on a tellement lu, vu et ouais. Subi aussi. Ouais. Et qu'en fait, bah, et ça nous met un peu aussi en... Enfin, c'était un peu dit que c'était un peu la sonnette d'alarme aussi. C'est à partir du moment où on reçoit des témoignages et tout, et en fait, ça ne nous fait plus rien. Enfin, ah oui, bah il y a ça, un peu ce truc ouais. Où c'est tellement habituel, et c'est tellement que maintenant, bah, les agressions sexuelles, ouais, en fait, genre... ça nous trigger même ouais. plus parce que toi, parce comme qu'on sait. Et je pense qu'en même temps aussi en tant qu'autre minorité de genre, en fait on subit ces violences là plus d'autres, et que du coup bah en fait on sait que ces violences là il y a plein d'autres personnes aussi qui se mobilisent dessus, et du coup on va parler d'autres, et qu'en fait bah ouais, on arrive à avoir une espèce de résilience à ces violences-là, à les encaisser, et qui est pas ok du tout, parce qu'en fait, genre, c'est pas du tout... Et que je pense qu'à des moments, en fait, c'est pas qu'on s'y habitue, parce qu'en fait, à n'importe quel moment, ça va nous jaillir à la gueule, et je pense que... Enfin, moi, quand j'ai craqué au 8 mars, je me suis effondrée, je savais même plus pourquoi, mais je pense qu'il y avait tout, en fait, qui sortait en même temps. J'ai pleuré dans le truc du féminicide aussi, c'est bien d'accord, mais... Justement, c'est le fait que... et au contact justement comme tu disais, de personnes qui cumulent énormément. Je pense que c'est aussi le fait d'être entouré de gens aussi. Moi je pense qu'il y a ça, ouais. Puis c'est pas anodin en fait, enfin je pense que comme le dit Bou, à un moment donné ça te refait à la gueule, donc enfin voilà, enfin c'est pas quelque chose qui est moins important, c'est il y a même pas une hiérarchisation de ça en fait, il y a pas je pense pas que ce soit comme ça en fait que ça se passe. Arrête-moi si je me trompe. Aussi, mais je sais pas déjà pour ça en fait. Il y a ça, ouais, bien sûr, mais c'est aussi le fait de dire que c'est le cumul de plein de choses qui fait un espèce de bouillon de culture queer, tu vois. C'est beau, je veux en boire. En fait, je me trouve vachement dans ce que tu dis, parce que moi aussi j'ai l'impression de me battre plus en tant qu'allié jusqu'à ce qu'en fait au bout d'un moment je capte que en fait si moi aussi j'ai vécu des oppressions, mais qu'en fait je voilà, et en fait au bout d'un moment ça devient tes trucs, parce que c'est hyper étrange, mais je sais pas trop si c'est ok de dire ça, mais par exemple le fait de se battre en tant qu'allié, j'ai l'impression maintenant que les oppressions que je vis moi dans ma peau, dans ma chair, elles me trigger plus, alors que par exemple des trucs que je vais pas vivre, je vis pas la transphobie au quotidien, mais en fait quand je vois la transphobie j'ai l'impression que ça, enfin vraiment ça fait quelque chose de bien plus fort en moi, genre quand je vois des trucs comme ça, ou même quand je vois, en fait le genre de façon générale me trigger beaucoup plus, en fait je peux plus, etc. Et en fait depuis le 8 mars, tu vois, ça faisait ce truc qui tournait dans ma tête, en fait je me suis couchée et réveillée avec la même phrase, où en fait je me voyais, je me représentais avec les personnes, certaines personnes de la vie féministe ou du féminisme institutionnel que j'associe à un certain féminisme blanc bourgeois institutionnel et tout, et je me voyais face à elles et à ce que j'aurais voulu leur dire, et je me disais mais en fait ok, on vient de la même classe sociale, de privilèges, de trucs, mais en fait c'est ça votre féminisme, mais genre j'en veux pas en fait. Et si même vous, si l'étiquette féministe elle doit être celle-là, genre je me suis revendiquée de tout un tas de féminisme au long de ma courte vie, etc., mais genre en fait j'en veux pas, et genre même l'étiquette féministe je vous la laisse, et non je suis pas solidaire avec toutes les femmes ou féministes du monde entier, s'il y a, c'est vous, en fait je préfère oui, je suis déjà traître à ma classe et traître à mon genre et à ce que vous voulez, mais je serai traître jusqu'au bout, en fait, et genre, je m'en fous. Non, mais genre, je veux pas... genre, je veux pas aller dans votre sens si c'est ça, et si vous marchez sur le mésadelphes et sur les personnes qui font partie de ma famille, en fait, et cette famille-là que je choisis, etc., et c'est... Et si vous leur marchez dessus, ben genre non, je veux plus rien avoir à faire avec vous, et je veux plus être dans vos 8 mars, etc. Et genre je porterai les stigmates jusqu'à ce que j'en puisse plus, mais genre je veux pas. Et en fait j'avais vraiment ces trucs qui tournaient dans ma tête, et parfois je suis en mode genre à chaque fois que j'ai l'impression, je me dis ah mais c'est bon là j'ai franchi un truc de radicalité, je me dis ah en fait genre je veux vraiment finir dans un séparatisme genre plus possible, mais en fait ouais je veux plus. Et je pense que aussi parce que je me dis en fait j'ai porté vos combats aussi avec vous, parce qu'on les on le vit ensemble, etc., mais en fait ouais, en fait vous avez tous les privilèges aussi pour vous déconstruire, vous avez tous les trucs pour vous avez l'accès aux psy, vous avez l'accès au traitement, vous avez l'accès à l'espace de parole, aux médias, vous avez un chez vous pour rentrer chez vous après les manifs, vous avez le chauffage, vous avez stop, en fait vous avez ça, du coup d'autres gens s'occuperont de vous, moi je vais avec les autres qui ont plus rien, en fait c'est pas grave, et voilà c'est tout. On est tous hyper émus parce que tu veux pas voir, parce que vous entendez juste, mais on est tous en train de chialer. C'est ça, clairement. Je pense que c'est, enfin c'est trop beau, et en même temps genre tout ça je le vis dans ma chair, et en même temps des fois je me sens pas légitime, tu vois, je suis un peu j'ai souvent des discours de type maman ours, tu vois, genre si tu touches à mes partenaires je te bute, tu touches avec des gens que j'aime je te bute, tu touches à ma soeur je te bute, tu vois, enfin je bute. Yes. Le matin où je me suis réveillée, où j'ai ouvert mon Instagram et où il y avait cette connasse là qui avait encore dit des trucs transphobes et racistes à la télé. Je relate avec ce que t'as dit sur genre ça finit par, et je me sens super bizarre de dire ça, mais ça m'énerve plus dans ma chair que genre quelqu'un qui va encore dire les femmes à la cuisine. Je m'en bats les couilles, j'ai déjà fait la cuisine. C'est ok, je la fais pas de toute façon. Extrait de l'interview avec Elio. Et sur quel aspect tu souhaiterais militer maintenant, si tu pouvais ne plus être dans cette vigilance sur l'inclusivité, etc., qui pèse, genre tu partirais sur quoi tu... En fait, je pense qu'il y aurait tellement de choses à faire. Je sais pas si je pourrais dire précisément sur quoi j'aimerais militer, mais je pense que justement, j'aimerais juste avoir le temps de considérer plein d'autres choses. Et c'est ce que c'est un peu ce que je suis en train de faire là, genre... depuis que on a, c'est ce que je te disais, depuis qu'on a clarifié notre position de FACAP en tant que collectif antiraciste, mais du coup, nous, en n'étant pas en non-mixité de personnes racisées, il y a beaucoup de membres qui se placent juste en tant qu'alliés de ces luttes antiracistes, et depuis qu'on l'a clarifié, je me sens juste beaucoup plus légitime en fait à agir en tant qu'alliée, et du coup à aller réfléchir sur ces questionnements-là, à juste aller chercher plus loin. Slam de Dilili sur le parvis des droits de l'homme, rebaptisé droits de tous, devant l'école de la magistrature à Bordeaux. Pendant que nos plaintes ne sont pas prises, vos chiens de garde font des perquises. C'est collé, ça déplaît. 14 février, la liberté de nouveau attaquée. Quelques collages ciblés, Madame B, te voilà persécutée. Contrôle démesuré, violence perpétuée, la répression dans de simples papiers. Elle use de son statut, l'incident est acté. On t'enferme, 24 heures de gave. Préfète, toi et ta clique, vous me collez la nausée. Dans le froid, vos expulses se succèdent, des camions, ça descend, la République en rang. Paré à gazer, matraquer, menotter, des personnes arrachées, des familles dispatchées. Hé hey Fabienne, t'en as pas marre de faire pleurer des enfants ? Ouais ! Derrière la carte insalubrité, poulet organisé, racisme banalisé. Ma révolte est fondée. Négrophobie dans toutes les sphères de vie. Je suis de celles racialisées, insultées. Je suis de celles exotisées, hypersexualisées. Je suis de celles violées et agressées. Partie intégrante de cette classe marginale contre votre état policier et vos mesures d'austérité. Notre rage est politique, notre euphorie radicale. Réprimez-moi, je ne partirai pas. Pour mes amis, je donnerai cher. Mes pères font la paire. Nos luttes sont indispensables. L'inclusion est primordiale. Leur beauté indéniable. Femmes noires qui se découvrent. Maintenant, je vais en découdre. Contre toutes les oppressions, au même plan que les violeurs, que les escrocs, que les racailles en costume de travail, tremblez d'effroi, car le temps vous rattrapera. Merci pour votre écoute. Dans de prochains épisodes, je vous proposerai des portraits croisés de ces militants qui m'inspirent au quotidien et avec lesquels je partage mes luttes, mes joies, mes peines et mes fêtes. Très bonne semaine, à très vite sur Abralcorps. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abralcorps.